Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux. C'est rare que tout soit rempli. Alors, je disais, c'est parce que j'en ai qui est super connu, mais lui, il me dit, non, c'est Giono qui est super connu. Donc, ceux qui ne connaissent pas Jean-Luc, nous, c'est une vieille histoire. On se connaît depuis les années 90. Il participait alors à une revue qui s'appelait Dissensus. Et dans cette revue, on pouvait déjà voir son amour de la littérature parce que il y avait des très bonnes critiques, il y avait des présentations d'écrivains. Je me souviens de t'as donné envie de lire Albert Cosserie, par exemple, puis plein d'autres. Donc, et puis un jour, il s'est mis à l'écriture. Donc, il a publié trois bouquins, ma connaissance. Il y a peut-être d'autres, mais un sur... ils sont là. Victor Serge, chez Libertalia. Et puis après, il a retrouvé ses racines arméniennes. Donc, deux livres sur l'Arménie, dont un très intéressant qui se passe pendant la Révolution, c'était une révolution plutôt non violente et qui a abouti à faire dégommer les corrompus qui étaient au pouvoir à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est moins corrompu maintenant. C'est un autre débat, parce qu'aujourd'hui on est venu pour parler de Giono, mais si on pourra parler de l'Arménie, parce que tu y vas régulièrement, je pense. Ouais. Voilà, et alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que là aujourd'hui, bouquin paru chez un petit éditeur qui s'appelle étonnamment La Bibliothèque. Ça tombe bien, hein. Ouais, des livres de la bibliothèque dans la bibliothèque. Donc voilà, et tu vas nous présenter ton bouquin qui s'appelle L'expérience Giono. Très bien, bonjour à tous, merci d'être là. Alors ce livre, L'expérience Giono, j'ai commencé à y réfléchir il y a déjà pas mal d'années, une dizaine d'années, alors que j'habitais pas à Marseille à l'époque, j'habitais dans un village des Cévennes qui s'appelait Saint-Jean-de-Gare, et où je participais à une bibliothèque libertaire, dans la Grand-Rue, c'était la bibliothèque de la Grand-Rue, et à cette époque, dans cette bibliothèque, on était plusieurs à s'intéresser évidemment à la critique sociale, mais aussi à la littérature, et on avait l'ambition aussi un peu à plusieurs d'écrire, et donc on avait fait une petite revue, un petit fanzine, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui s'appelait Le Bulletin des Compagnons de nulle part, et dans cette petite revue, on s'essayait à l'écriture, et alors on était plusieurs, 4-5, à écrire dans cette petite revue, qui était une revue... apparition aléatoire, mais qui était quand même qu'on a tenu assez régulièrement. Et dans ce numéro-là, vous voyez, c'était genre de petite revue. Et c'était chaque revue avait un thème. Alors ça, c'était le thème sur ce thème, c'était le silence sur ce numéro-là. Et on était plusieurs à avoir réfléchi sur une forme que je réemploie dans ce livre, où on mélangeait en fait. Une recherche, on va dire, sur une thématique, là c'était le silence. On mélangeait ça avec une recherche sur des écrivains et aussi un récit plus intime. Donc c'était une forme un peu mixte, hein, qui mélangeait donc cette recherche littéraire, on va dire, une forme intime aussi, et puis on mêlait ça dans un thème, le silence en l'occurrence. Et dans ce numéro du bulletin des Compagnons de nulle part, je parle de Giono. Alors je commence à raconter ma rencontre avec Giono. Et 10 ans après, je vais réemployer un peu quelques extraits de ce texte pour ce livre. Et donc cette rencontre avec Giono, elle se fait à une époque où je viens d'arriver dans les Cévennes. Je viens de Marseille. Je pars de la ville. Et je pars pour différentes raisons, mais je suis un peu agité, je ne suis pas très bien. J'arrive dans ce village, je participe à ce projet de bibliothèque. J'ai l'impression d'être un peu au milieu du décombre de ma vie. Et puis, je tombe dans cette bibliothèque, donc, merveilleuse bibliothèque, je tombe sur un livre de Giono, Que ma joie demeure. Et ça commence à bouillonner en moi. Et je commence à lire Giono, je m'intéresse à d'autres textes aussi, je commence à m'intéresser au bonhomme, à sa vie, etc. Et ça me donne envie d'écrire. Et donc, presque un de mes premiers réflexes après avoir lu Giono, c'est après cette grande émotion de lecteur, c'est d'avoir envie d'en parler. Et aussi de parler de moi, bizarrement, hein, donc de mêler les deux un peu. Une étude sur un homme, sur un écrivain, et puis les échos que ça peut me provoquer en moi, quoi. Et donc, 10 ans après, j'avais ce... Donc, Giono, je le garde dans un coin de ma tête, hein, c'est quelqu'un d'important pour moi. Et puis, quelques années après, je reviens à Marseille, et j'ai envie de repenser, de repenser... Et à ce moment que j'ai vécu dans les Cévennes, ce moment-là a duré une dizaine d'années, autour de la bibliothèque, et aussi à rechercher, à reprendre un peu des choses autour de Giono, parce que pour moi, ça, c'est indissolublement lié, quoi, hein, cette expérience que j'ai vécue dans les Cévennes et cette lecture de Giono. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je vous expliquerai un peu mieux pourquoi tout à l'heure. Et donc, et j'ai envie de reprendre cette forme. Alors, les livres que j'ai écrits précédemment, le premier sur Victor Charge, c'est un essai un peu plus classique, et puis les deux récits sur l'Arménie, ce sont des récits relativement intimes, et avec ce livre sur Giono, je commence à m'approcher de la narration. Enfin. Donc pour moi, ce livre-là, c'est pas exactement un essai, ce serait plus un essai narratif. Je commence à m'approcher du roman, pour tout dire. Et aujourd'hui, j'écris des romans. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, j'aborde la littérature de manière un peu par la bande, hein, et j'arrive par l'intermédiaire de Giono, j'arrive à l'écriture fictionnelle, on va dire. Et donc, ce livre-là, l'expérience Giono, ça raconte aussi cette expérience-là. C'est-à-dire, ça raconte une expérience de vie, hein, c'est 10 ans dans les Cévennes, en collectif, etc. Ça raconte ma rencontre avec cet écrivain, et puis les bouleversements que ça a engendré, et puis une expérience d'écriture, de lecture et d'écriture. Alors, c'est peut-être un peu flou ce que je raconte là, mais je vais vous lire le début du texte pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Donc le tout début du texte c'est... j'essaie de résumer ma rencontre avec Giono. Alors c'est le premier chapitre qui s'appelle « Le baiser de la reine ». J'ai rencontré Giono un soir d'hiver au bout de la Grand Rue. Il est venu en quelque sorte toquer à la porte et je l'ai laissé entrer, son grand sourire jaune d'abord sous des lèvres minces serrant le bout d'une pipe, quelque chose dans ce genre. Il est venu parce que je l'attendais, oui c'était le bon moment, plus rien ne me retenait. Auparavant je l'avais évité, vous comprenez, il se traînait une mauvaise réputation, régionaliste, collabo. J'étais enfin prêt à l'accueillir, débarrassé de la ville, de ses décombres. Et la pluie qui tombait sans discontinu depuis des jours avait transformé ce coin des Cévennes en une vaste étendue floue. Le moment était propice, les choses perdaient de leur netteté, et la désolation étendait son emprise sur toute chose. Il ne me restait plus rien, j'avais échoué au fond de cette vallée, juste au pied des montagnes, chassé par des souvenirs aux contours tranchants. Oui, j'étais arrivé dans ce village depuis peu, et mon front était rouge encore du baiser de la reine. Je participais alors à une petite bibliothèque libertaire planquée au fin fond de la Grand Rue. C'était un local humide et pauvrement éclairé, comme toujours dans ce genre de locaux. Hein. Sauf ici, bien sûr. Hein. Sauf ici. Et il m'arrivait parfois d'assurer seul les permanences du samedi après-midi. Au cours du temps, ce lieu avait accueilli une forge, puis un salon de coiffure. C'était l'ancien coiffeur lui-même, M. Pépineau, qui nous l'avait raconté. Désormais, quelques rayonnages supportaient des ouvrages de critique sociale, de la poésie, de la bande dessinée, et tout ce que les éditeurs, mais aussi les Pékins ordinaires, voulaient bien nous donner. C'est au milieu de ce chaos de livres que j'étais tombé sur Que ma joie demeure. Je me souviens d'une couverture avec un épi de blé et un soleil. Donc voilà, ça c'est le début du récit, où je raconte un peu les circonstances de mon arrivée dans ce village, et cette découverte de Giono. Donc je vous rassure, hein, ça évolue, puis enfin, ça se termine bien. La preuve, vous êtes là. Comment ? La preuve, vous êtes là. Ouais, je suis là. J'ai survécu. Et contrairement à Que ma joie demeure, il n'y a pas de mort à la fin. Mais il ne faut pas spoiler la fin de Que ma joie demeure. Ah bien, j'ai spoilé. Et donc, Que ma joie demeure, ce roman-là, écrit dans les années 30 par Giono, c'est vraiment le roman qui est une révélation pour moi et qui, autour duquel tourne ce livre. Hein, c'est le pivot un peu de cette recherche que j'ai effectuée dans ce livre. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Que ma joie demeure, si ça vous dit quelque chose. C'est un des romans les plus célèbres de la première période de Giono. qui parle, qui raconte l'histoire d'une communauté dans la montagne, un plateau inventé qui s'appelle le plateau Grémon, avec des gens qui vivent sur ce plateau dans des conditions assez rudes. Et puis arrive un personnage, Bogie, qui est le personnage phare du livre, et autour de lui vont s'agréger tous les gens de ce plateau et des histoires et des imaginaires. Donc, évidemment, ce roman, à cette époque, à son époque, dans les années 30, en 36, va connaître une grande notoriété, va agréger aussi des gens, des jeunes gens notamment. Et d'une certaine manière, des années après, moi qui retombe dessus, sur Que ma joie demeure, ça a peut-être un peu la même... ça provoque les mêmes choses. C'est une espèce de bouleversement intime, une grande émotion qui me saisit en lisant ce livre, des moments où je pleure en lisant ce livre. Enfin, non seulement ce que raconte ce livre, hein, les personnages, etc., mais surtout le verbe de Giono me bouleverse. Alors, vous ferez l'expérience si vous voulez, hein, vous pouvez lire Que ma joie demeure, vous verrez si ça provoque les mêmes choses chez vous. En tout cas, voilà, ça me transforme d'une certaine manière et ça me fait évoluer. Je suis dans un moment un peu fragile et puis là, avec Giono, j'ai l'impression de voir l'autre côté, quoi. Et donc, c'est ce que j'essaye de raconter dans ce bouquin. Je reprends, alors, je vais quand même expliquer le projet de ce livre, hein, évidemment. Je parle de moi, mais je ne vais pas que parler de moi là-dedans. Il y a donc un mélange de récits intimes qui raconte donc ce moment de vie dans les Cévennes, dans un village, dans un collectif autour d'une bibliothèque. Et puis, une recherche sur ce premier Giono, donc celui de autour de Que ma joie demeure, de ces années-là, de fin des années 20, des années 30 jusqu'à la guerre, où Giono met en... comment dire, invente une langue. Et cette langue-là, donc c'est ça que j'essaye de comprendre, d'analyser, dont j'essaye de raconter cette expérience de lecture, hein, par rapport à ce premier journal. Alors, pourquoi premier journal ? Puisqu'il y a, pour ceux qui connaissent un peu la carrière littéraire de Giono, c'est quelqu'un qui a deux périodes, on va dire, de période de vie, de période d'écriture, celle d'avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis celle d'après la Deuxième Guerre mondiale. Celle d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour parler de son roman le plus connu, c'est celle du Hussard sur le toit. Et puis la première, c'est celle de Que ma joie demeure et d'autres romans, Regain, Bataille dans la montagne, etc. Serpent d'étoiles, bon, il y en a plein. Et moi je, bien sûr, quand je commence à lire Giono, j'essaie de lire aussi les romans les plus tardifs, et ça me touche moins, je suis moins intéressé, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc c'est un livre qui tourne essentiellement sur les thématiques qu'aborde Giono dans ses textes des années 30, sur son écriture, sur sa langue, mais aussi sur une expérience assez singulière qu'il vit à cette époque, qui est l'expérience du Contadour. Alors je ne sais pas si des gens ont entendu parler de cette expérience-là. C'est une expérience communautaire qu'il met en place, j'en parlerai un peu mieux tout à l'heure. C'est une expérience communautaire qu'il va impulser avec d'autres gens au-dessus de Fort-Calquier. Ils vont acheter en commun deux maisons et ils vont essayer de vivre une expérience communautaire un peu à la manière de Que ma joie demeure, c'est juste un petit peu après, hein. Et cette expérience communautaire va se dérouler sur plusieurs années jusqu'à la déclaration de la guerre, jusqu'en 1939. Alors, ça ne sera pas une expérience communautaire en continu, ce seront des sessions, deux sessions par an, de deux mois, d'un mois à chaque fois, où les gens se retrouveront et vivront en commun dans ces maisons. Et donc, voilà, tout ça, c'est ça dont je parle, hein. La première partie, donc, c'est plus sur les thématiques, un peu, de cette première œuvre de Giono, et la deuxième partie, c'est plus, ça s'appelle le conte du Contadour, et c'est plus sur cette expérience communautaire et sur les échos entre cette expérience communautaire, celle que je suis en train de vivre moi dans les Cévennes à cette époque collective, et puis ce qui s'écrit, ce que Giono écrit aussi à cette période. La première partie s'appelle Fragments d'utopie. À l'origine, ce livre devait s'appeler L'utopie Giono. Puis en discutant avec les éditeurs, on a élargi un peu l'angle, et l'utopie fait partie de ce livre, évidemment, mais voilà, on a plutôt choisi ce terme d'expérience qui ouvre peut-être un peu davantage que le terme utopie, encore que c'est un terme que j'aime beaucoup, le terme utopie. Je vais vous lire le prologue où j'aborde justement cette question-là. J'aborderai Giono comme on aborde une terre inconnue, avec une grande joie et le cœur battant, car l'écrivain des années 20 et 30, celui qui m'intéresse dans ce livre, embarque d'emblée son lecteur vers le mystère. Des collines, cette terra incognita s'offre à qui veut la lire, et le rythme mouvant et le désordre renversent tout ce qui a pu s'écrire auparavant. Alors la pendule sonne l'heure solennelle et légère du mystère gionien, et un monde se bâtit sous nos yeux éblouis. Que ce monde ait la consistance légère d'une plume, cela n'est pas un problème, nous n'avons nullement besoin d'une littérature en béton. Et que tout cela ne soit finalement que des histoires de la fabulation, cela nous importe encore moins. Nous savons bien que les utopies sont avant tout châteaux de cartes et taches d'encre sur du papier. Nous nous en tiendrons donc à cette affirmation de Giono. Je suis seulement l'ouvreur de fenêtres, le vent entrera après tout seul. La fenêtre, je l'ai vraiment vue ouverte et le vent est entré. Et il m'a emporté comme il emporta bon nombre de lecteurs de Giono. Pendant longtemps, le mot utopie éclaira ce livre de sa lumière vive, puis à mesure que l'écriture progressait, l'expérience d'une immersion totale dans les images de Giono bouleversa le titre initial jusqu'à imposer une vision plus large. Désormais, marchant sur les crêtes, le monde existait et se transformait sous mes yeux au rythme de ma marche, et l'utopie se fondit bientôt dans l'expérience du texte. Tout vivait. L'expérience Giono battait comme une cloche, et un coup sur deux retentissait le son éclatant de l'utopie. Voilà, donc là j'essaye, là, dans le début de ce texte, d'expliquer un peu ce mélange, hein, entre l'idée de l'expérience littéraire, l'expérience de vie aussi, et puis ce mot d'utopie qui revient tout le long du texte et qui m'importe, comme il importe une partie des gens qui sont ici. J'imagine bien. Donc voilà, ça c'est le début de mon projet, hein, cette forme et puis cette recherche. Je vais peut-être essayer d'expliquer un peu comment j'ai bâti ce livre quand même. Donc j'ai commencé à écrire évidemment en recherchant, en relisant Giono, en lisant Giono. J'ai lu à peu près tout ce qu'il avait écrit dans les années d'entre les deux guerres, dans les années 20 et 30. Je suis tombé sur des choses magnifiques, évidemment. Et je suis allé aussi faire une recherche au centre Giono à Manosque, dans lequel où j'ai été extrêmement bien accueilli, c'était au moment du Covid, avec tous les emmerdements de confinement, machin, tout. Et j'ai été vraiment bien accueilli. On m'a installé dans une salle, dans une bibliothèque du centre Giono. Et là, j'ai eu accès à des archives qui étaient pour moi importantes, qui étaient les Cahiers du Contadour. Alors, les Cahiers du Contadour, c'est une revue qui a été écrite par les participants de cette expérience communautaire du Contadour, par Giono et par d'autres, Lucien Jacques et beaucoup d'autres gens qui ont participé à cette expérience. Et dans cette revue, donc, que j'ai dépouillée, que j'ai lue, que j'ai regardée, j'ai trouvé plein de choses qui m'ont évidemment intéressé et que j'ai pu ensuite utiliser dans mon texte. Donc, il y a cette recherche, c'est une recherche autour des livres, autour de cette revue, autour de témoignages. J'ai évidemment lu tout ce qui a pu s'écrire à peu près sur l'expérience du Contadour et sur le Giono de cette époque-là. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler à partir de cette recherche. Et à Manosque, en lisant, en dépouillant la revue des Cahiers du Contadour, je suis tombé sur des choses magnifiques, quoi. Je suis tombé sur des textes de témoignages, donc des gens qui ont participé à cette expérience. En fait, c'est une revue qui a duré une petite dizaine de numéros, peut-être même un peu moins. Mais la partie intéressante de cette revue, c'est le début, c'est le premier numéro, où là, il y a des témoignages de gens qui participent. La deuxième partie, c'est moins intéressant. C'est plus une revue qui se transforme un peu en pré-publication de livres ou de textes littéraires. Et c'est moins un compte-rendu de ce qui se passe pendant le Contadour. Donc, dans les premiers numéros, je tombe sur des témoignages qui sont vraiment très troublant, très beau. Et puis je tombe sur des inédits de Giono. Giono donne certains de ses textes, des inédits notamment du Grand Troupeau. Alors, je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est que ce roman, Le Grand Troupeau. Hein, c'est un roman témoignage sur la Première Guerre mondiale, puisqu'il a été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il il a participé une bonne partie du conflit. Il a failli rester. Une bonne partie des gens avec qui il était sont morts pendant cette première guerre. Et donc, dans Le Grand Troupeau, il raconte ça. C'est un livre magnifique. Hein. D'autant plus magnifique que, pour ceux qui connaissent le judo de cette époque, quelque chose qu'on ne retrouvera plus après, il y a toujours cette recherche de la joie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans tous les livres de cette époque, et même dans ses écrits intimes, dans son journal, etc., il y a toujours cette recherche de comment arriver à la joie. Et ça, ça me parlait déjà à l'époque, ça me parle encore aujourd'hui. Comment arriver à la joie? Et alors, ce qui est très généreux de la part de Giono, c'est que, à cette époque en tout cas, cette joie, il veut que ça soit une joie collective. Pas que ce soit qu'une joie pour lui, après il reviendra là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée d'apporter la joie. Il se prend un peu pour le Christ, Giono, à cette époque, hein, je pense. Enfin, il y a un délire un peu, mais moi qui m'intéresse. Hein. Et donc, apporter cette joie. Et dans Le Grand Troupeau, ce qui est absolument extraordinaire, il parle d'événements tragiques qui sont liés à la guerre, à la boucherie de 14-18, mais il y a quand même ces passages où il arrive à la joie. Et alors, il y a notamment un inédit donc, qui revient sur ce dont je suis en train de parler, que j'aimerais vous lire. J'ai mis cet extrait dans mon bouquin, parce que c'est un très beau texte, qui n'a pas été mis dans Le Grand Troupeau. Je crois comprendre pourquoi, parce que je pense que ça y va peut-être un peu trop fort. Et c'est ces deux soldats qui parlent. Alors, normalement, j'ai monté la page, voilà. Donc, je vais vous lire cet inédit de Giono, chapitre inédit du Grand Troupeau, pour vous expliquer un peu cette histoire, hein. Ce que je viens de dire à propos de la joie. On y trouve, par exemple, cette déclaration d'un soldat, donc le Grand Troupeau, Olivier, l'un des héros du livre, qui s'adresse à Daniel, un autre soldat. C'est la nuit, ils doivent monter la garde devant la casemate de leur capitaine. Celui-ci a perdu la tête et parle seul dans l'obscurité, s'adressant à sa fille. Après avoir écouté le capitaine, les deux soldats s'éloignent un peu et Olivier se met à parler à son tour. Donc là, je cite. « Ils se couchèrent côte à côte dans le trou de garde près de la porte. On entendit claquer les dents de Daniel. « Tu n'es jamais resté tout nu dans le vent ?» demanda soudain Olivier. » Donc ces deux soldats qui parlent pendant la Première Guerre mondiale. Donc le « Tu n'es jamais resté tout nu dans le vent ?» demanda soudain Olivier. Je lis ça, je me dis « Ah ouais, là, il y va le Giono, là. Hein. » « Tu n'es jamais resté tout nu dans le vent ?» demanda soudain Olivier. « Comment tout nu ?» Non, je veux dire, voilà. Le soir, après manger, je sors de ma ferme. Je me mets sous les figuiers, c'est l'été. Il vient juste d'un peu pleuvoir. Les gouttes sont marquées dans la terre. Le vent des collines passe. J'ai une chemise bleue. Bleu profond comme la nuit, avec des fleurettes blanches. Je l'ouvre. Je l'ouvre de tous ses boutons, depuis le col au ventre. Elle se gonfle. Le vent est là, autour de moi, comme un oiseau. Comme un plein sein d'oiseau. Mieux, il est autour de moi comme mes ailes. Il me remplace les bras. Il bat là autour. Je suis comme un grand oiseau qui a des ailes trop longues et qui ne peut pas se lever de la terre. Je saute sous le figuier, mais mes ailes traînent dans les collines et je reste là devant ma ferme. Ça pèse tellement dans la voile de ma chemise que je me penche en avant pour ne pas tomber. J'ai tout le vent autour de moi. Alors je déboucle mon pantalon, je tire ma chemise par-dessus ma tête et j'ai le vent sur moi, nu. Voilà ce que je veux dire. La nuit claque là-haut, au-dessus de moi, comme la bâche qu'on met sur le gerbier. Moi, je suis nu dans le vent. Il est sur moi comme sur un arbre. La vie vient tout contre la peau, là, en dedans, pour le sentir. Dessous la tête, je veux dire. Dans le dessous de la cervelle, le nez, la bouche, le cou. Le dedans des épaules, c'est tout vide. C'est un grand vide frais. J'entends mon sang qui tombe goutte à goutte là-dedans, comme une source dans une chambre de dessous de terre. Ma vie est tout entière collée à ma peau, comme une crème de lait. On jouit comme un arbre. On jouit comme un arbre. C'est ce que je veux dire. Tu n'es jamais resté comme ça tout nu. Merde, dit Daniel du profond de son cœur. Quoi? Je veux dire ça, oui, ça doit être. Il appuya toute sa force sur ce mot être, puis brusquement Daniel se mit à pleurer à large soubresaut. Tu dois me prendre pour un fou, dit-il. Non, dit Olivier, je te comprends. Je comprends. Voilà. Donc ça, c'est. Je lis ça dans mon centre Giono, dans la bibliothèque du centre Giono, et j'ai des frissons, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Ça me, voilà, la magie de cet écrivain continue à me prendre, de cet homme continue à me prendre, et voilà, au fur et à mesure que je lis et que je recherche des choses sur lui. Et alors, mon ambition dans ce livre, C'est pas d'écrire comme Giono, bien entendu, c'est pas le but, mais c'est d'essayer de trouver, de rendre compte de ce niveau d'émotion que j'éprouve en lisant Giono et en lisant des textes comme celui-là. Et donc voilà, tout le livre, c'est ça. C'est, j'essaye de raconter cette expérience de vie, une recherche sur un écrivain, et aussi cette émotion qui environne toute l'œuvre de cet écrivain et me touche en retour. Et donc, c'est ce que j'essaie ensuite de renvoyer au lecteur qui va lire ce livre, j'espère. Et voilà. Essayer de rendre compte de cette émotion-là. Alors voilà, après, on peut parler de plein de choses hein, par rapport à l'époque, à l'époque qui m'intéresse dans ce livre. Donc moi, je l'ai écrit. Mon époque à moi, c'était aux alentours des années 2013, 2014, 2015. J'ai écrit ce moment. C'était en plein moment de la ZAD. Et nous, dans les Cévennes, on était très touchés, comme ici à Marseille, j'imagine aussi, mais on était très touchés par ce qui se passait à la ZAD. On était presque en permanence sur ce qui se passait à la ZAD. Il y avait des camarades de la ZAD qui étaient venus dans les Cévennes, d'autres que nous, on était allés les voir, etc. Et donc, pourquoi je vous parle de la ZAD ? C'était une autre, comment dire, j'en parle aussi dans le bouquin, de la ZAD, c'est pour essayer de montrer que certaines expériences existentielles, politiques, sont importantes à raconter d'une certaine manière. Et ce que raconte Giono, pour moi, c'est du même acabit que ce que racontaient les camarades de la ZAD sur les témoignages de la résistance à l'opération César. Hein, c'était du même niveau. Et on était, quand je lisais Giono et quand je lisais les témoignages des copains de la ZAD, j'étais embarqué presque pareil. Et d'une certaine manière, c'était pareil. Parce que cette écriture-là, ces témoignages-là, participent d'une vie, participent d'une expérience de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, faire de la politique, s'intéresser à la politique, participer au mouvement de révolte contre l'organisation de ce monde, ça nécessite des mots, ça nécessite de raconter, et ça nécessite de prendre en compte aussi l'émotion. Et voilà. Donc, tout ça, ça se met dans ce texte, dans cette première partie de ce texte, l'expérience Giono, aussi bien la recherche sur les livres de Giono, sur les romans de Giono, que sur les expériences politiques de cette époque. Émotion que je retrouve, et alors donc, je continue, mais je me perds un peu, mais c'est pas grave, hein, je vous perdais avec moi. Je retrouve cette émotion des années après. Alors, je ne fonctionne pas que sur l'émotion, comme nous tous, mais là, je tiens à en parler parce que c'est quand même un aspect important de ce livre. Je retrouve cette émotion des années après, quand je reviens vivre à Marseille, en 2018. On revient avec ma compagne Vart, là, qui est en train de me dessiner, ou de vous dessiner à vous tous. On revient vivre à Marseille. Et là, donc, moi, je suis assez malheureux d'être de retour dans la ville. Je me demande qu'est-ce que je fous là. Je me demande d'ailleurs toujours qu'est-ce que je fous là. Mais 2018, arrivent les Gilets jaunes. Alors là, c'est merveilleux. On participe aux Gilets jaunes. Et là, je retrouve ce moment de vie qui m'avait tellement touché, éprouvé, troublé quelques années auparavant dans les Cévennes. Et je retrouve cette participation au collectif qui est finalement ce qui m'importe beaucoup. Voilà. Je ne vais pas m'apesantir parce que je passe pas mon temps à parler ni des Gilets jaunes ni de la ZAD, encore que c'est quand même une partie importante de ce livre pour moi. Hein. Ça fait partie vraiment de l'élaboration de ce récit, quoi. Puisque c'est un récit quand même. Donc dans ce livre, je parle aussi. Donc il y a une étude sur Giono, et je fais aussi à plusieurs moments. Il y a des aperçus de cette vie qu'on a pu mener à plusieurs dans les Cévennes à cette époque, aux alentours des années 2010 à 2018. Et voilà, je raconte comment, et comment aussi ces moments font écho à la littérature de Giono, à cette prise en compte du monde naturel, du monde naturel. Et pour tout dire, moi, quand je suis dans ma chambre, là, dans ma petite chambre, dans un petit appartement sur la place de Saint-Jean-du-Gard, j'ai l'impression de, quand j'ouvre ma fenêtre, je suis dans le monde de Giono. J'ouvre mes fenêtres et tout ce dont on parle Giono, c'est là, presque tel quel. Et même le village un peu ancien, avec une forme qui a pas changé depuis quand même, j'imagine, pas mal d'années, cette forme-là du village, c'est aussi ce que raconte Giono dans ses livres de cette époque. Donc, tout ça, là, ça participe à mon expérience. Vous pouvez me couper si vous avez des choses à dire, des remarques à faire. Hein. Sinon, je suis parti pour des plombes, là. Alors, je vais juste vous donner quelques aperçus, quand même, de ce dont je parle dans ce livre. Donc, je vous parlais de la joie tout à l'heure. Il y a tout un passage, tout un chapitre qui s'appelle « Il y a de la joie », dans lequel j'essaie de réfléchir à cette idée de joie. Qu'est-ce que Giono a voulu dire en faisant référence, une référence très, très, très présente, très prégnante dans les bouquins de cette époque. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce mot ? Qu'est-ce qui l'amène à parler de joie ? On est quand même dans une période peut-être 36 où il y a effectivement de la joie, où il y a de l'espoir, mais où très vite les choses se referment. Hein. Et donc, je commence à gamberger un peu sur cette idée de joie. Et d'autant plus que quelques années après, Giono renie complètement tout ça. Et moi, je lis Que ma joie demeure, je lis tous les livres de cette époque, et puis je m'intéresse quand même sur le Giono d'après, et je m'intéresse notamment, excusez-moi, je me perds encore, mais c'est pas grave, je vais revenir à mon propos initial après. Je tombe sur des entretiens qu'il a donnés juste après la guerre, au début des années 50, avec Jean et Tao Samrouche, qui sont des écrivains aussi, des entretiens très intéressants, dans lesquels il revient. Sur cette période de Que ma joie demeure, du Comptadour, des livres de cette période, des livres dans lesquels je suis, et où il dit en gros que tout ça, c'est des choses qui n'ont plus de valeur pour lui. Alors, je ne sais plus les termes qu'il emploie, hein, je les ai relevés, mais en gros tout ça c'est de la foutaise. Et les gens qui ont cru aussi sont un peu. Sont des gens un peu crédules, quoi, d'une certaine manière, d'avoir cru à tout ça, quoi, à tout ce monde-là. Et moi, je suis en colère, parce que je viens de dire tout ça. Je suis ce lecteur qui a cru aux histoires de Giono, à ses grandes affabulations. Et je me mets en colère, je me dis, mais il se fout de notre gueule et tout, c'est quoi c'est... Et puis, voilà, les choses passent, et quelques années après, je relis tout ça, et je me dis, quand même, ce Giono, il est gonflé, quoi. Et d'une certaine manière, cette ambiguïté-là chez lui, ces revirements, ça me rend d'autant plus sympathique, quoi. Parce que voilà, il y a cette manière de s'interroger et même de critiquer ses propres livres, que je trouve, et même de critiquer ses propres personnages, puisque dans ses entretiens avec Jean et Tao Samrouche, il s'en prend même au personnage principal de Que ma joie demeure, comme si c'était un personnage réel, à Bobby. Il dit que Bobby est un menteur. C'est lui qui l'a créé, Giono, tu te fous de moi ou quoi là ? C'est toi qui as créé Bobby. Mais voilà, il en vient à attaquer les personnages et les livres qu'il a écrits auparavant. Et c'est une expérience intéressante de voir comment un écrivain peut renier, en tout cas peut remettre en cause une partie de son œuvre. Et surtout, c'est pas la moindre partie de son œuvre. Donc revenons-en à cette histoire de joie. Il y a de la joie. Et donc il y a deux choses dans cette joie dont parle Giono. Il y a déjà la joie du lecteur. En lisant, si vous êtes des lecteurs sensibles à ce type de littérature, à ce genre de langue, vous éprouverez peut-être vous aussi cette joie. J'ai peut-être l'air d'un illuminé en parlant comme ça de Giono, mais c'est vrai, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du frisson et du rire quand on lit le début de Que ma joie demeure, par exemple. Ou quand on lit Roguin, quand on lit des livres de cette période-là. Et donc cette première joie, cette joie du lecteur, elle est là, et donc c'est celle dont je parle. Et puis il y a la joie qui est théorisée par Giono à cette époque, dans ses textes théoriques, mais aussi il en parle aussi dans ses romans, son journal intime, etc. Cette idée que la joie est liée au monde naturel, est liée aux animaux, est liée aux arbres, est liée à la rivière, est liée aux éléments naturels, à une forme de vie aussi qui a existé depuis fort longtemps, la vie, une forme de vie qui est liée à la paysannerie, une petite paysannerie, hein. Et à l'artisanat aussi, il parle aussi de l'artisanat. Donc il y a à ce travail-là, et donc à ce monde naturel. Et ce qu'il décrit, c'est ce que je vois quand je sors de chez moi, et ce qu'il décrit, ce qu'il essaye de décrire, ce qu'il arrive à décrire, c'est comment expliquer ça ? C'est ce qu'il explique, enfin non, il n'explique pas, c'est la poésie en fait. Dans sa poésie, il nous donne à sentir ce que c'est qu'un arbre. Il nous donne à sentir ce que c'est qu'est un sanglier. Il nous donne à sentir ce qu'est une montagne, en bataille dans la montagne, extraordinaire. Il y a tout un long passage sur un glacier qui surplombe le lieu où se passe l'histoire. Et ce glacier, c'est un personnage. Et tous ces animaux, comme ces glaciers, comme ces arbres, comme cette rivière, ils ont autant d'importance que les personnages humains dans ce lieu. Ils sont là. Ce ne sont pas des simples décors. C'est le monde naturel qui est là et Giono, avec sa grande langue, sa grande générosité, nous donne à entendre, nous donne à voir, nous donne à ressentir ce que c'est qu'un sanglier ou ce que c'est qu'un faillard en être, un arbre. Et donc, voilà, tout ça, cette langue-là, que je n'avais jamais rencontrée auparavant, et peut-être que je n'ai jamais rencontrée depuis, pour moi, elle est inouïe, quoi. Je n'ai jamais lu quelque chose de pareil. Et cette manière de parler du monde naturel et d'écrire le monde naturel et d'être le monde naturel, hein, un peu comme ce qu'il disait à la ZAD à l'époque, hein, je suis la nature qui se défend, voilà, c'est ça. C'est la nature qui, pour moi, bien sûr, avec la langue, avec l'écriture de Giono, mais c'est d'une certaine manière le monde qui parle. Le chant du monde, hein, c'est un de ses grands livres, c'est le chant du monde. Et ce chant, il m'emporte. Je vais vous lire juste un extrait de ce « Il y a de la joie », là, ce chapitre que j'aime bien. La lecture des livres de Giono de cette époque est une expérience qui transforme son lecteur. J'ai parlé de ma rencontre avec Giono et Que ma joie demeure. Cette expérience n'a pas fini de me transformer, même 10 ans après. Mais elle m'a aussi bouleversé sur le moment, me permettant d'envisager cette possibilité de la joie au moment où je me sentais environné de décombres. Ce fut un basculement inespéré. Et de cette nuit où les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe, date peut-être ce moment si beau du basculement. Et soudain, sur l'autre versant, la vue sur la vallée ensoleillée. À ce moment-là, c'était le printemps, et je n'étais plus seul dans mon appartement. Le copain à la cabane brûlée avait posé son sac dans l'autre pièce. Bon, je reviens sur un personnage dont je parle précédemment. Le copain à la cabane brûlée avait posé son sac dans l'autre pièce. Il ne possédait rien d'autre que sa joie. Le matin, je l'entendais chantonner dans la petite cuisine où il buvait de gros bols de café. Puis il mettait un disque de Curtis Mayfield sur le petit poste à CD et la journée commençait sous les meilleurs auspices. On passait par la fenêtre pour nous asseoir sur la terrasse donnant sur la place. Les arbres fleurissaient tout autour. Sans m'en apercevoir, je commençais à habiter ce lieu simplement parce que j'entendais enfin ma voix dans la maison et nos rires. Oui, il fallait rire de nouveau. J'avais oublié pendant ces longs mois comment cela marchait. Il suffisait d'ouvrir grand sa bouche, de sentir les muscles de mon visage et de laisser faire le souffle vital. Oui, tout sortait de nouveau, et mon corps même, mis en hibernation, serré autour de mon plexus, se détendait soudain, s'ouvrait et palpitait de nouveau. Une grande bouchée d'air plus tard, je me sentis plein d'une nouvelle allégresse. Ce qui rompait mes membres, qui hachait menu le moindre de mes désirs, tout cela avait disparu, c'était dissous, comme par miracle. Je me remis à respirer librement et je pus accueillir ma joie. Oh, elle remontait de fort loin, enfouie tout en dedans, mais elle était là de nouveau. Et l'après-midi, on se baladait dans le village, prenant le vieux pont, puis retournant par le pont neuf, bifurquant par la grande rue qui nous menait à la petite bibliothèque. Sa vitrine était recouverte d'affiches disparates et une rangée de livres à couverture bleue montait la garde devant un grand rideau rouge. On stationnait un instant devant la vitrine, regardant ensemble la sélection des bouquins bleus, puis on poursuivait jusqu'au bout de la grande rue, tournant ensuite vers la droite pour monter vers les collines qui enlaçaient le village. Tout était neuf, et les arbres et les herbes explosaient d'une activité frénétique. Arrivé au verger, après une longue montée, on s'allongeait sous les arbres et l'on s'endormait dans l'herbe. Ma tête était vide, plus rien ne me retenait. Puis quand le soleil commençait à décliner, nous revenions vers le village pour boire une bière à l'un des deux bars de la placette. Il faut dire que je revenais de loin. J'avais refait tout le chemin à l'envers, revenant pas après pas de la vallée grise où tout mourait jour après jour. Pas à pas, jour après jour. Là-bas, le soleil, quand il sortait, était toujours voilé et un silence opaque écrasait ma poitrine. Il me semblait pourtant que je parlais beaucoup, mais les mots n'avaient ni force ni couleur et gisaient, ternes et respirant avec peine, comme de pauvres poiscailles qu'on avait sortis de l'eau et qui s'étouffaient peu à peu en d'interminables convulsions. Il m'avait fallu tout cela, une rivière, la montagne et des amis nouveaux pour passer de l'autre côté. Oui, tout cela, la nature et les hommes, le rire et les mots, et ce silence peuplé de pépiments, peuplé de discours insensés, d'eau roulant sur les cailloux et de vent dans les arbres, peuplé de livres à la couverture bleue et de filles à la peau très blanche, et du rire d'un ami le matin et de la soul si vivante des Noirs américains. Oui, tout ça, les lectures de Giono pour arriver à la joie. Un jour, elle était là, et sans même m'en apercevoir, du moins au début, je me mis à habiter dans son domaine bleu. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de cette rencontre et de l'expression de cette joie. Alors, je peux vous lire aussi peut-être quelques-uns des chapitres, les titres de chapitres, pour voir un peu de ce qui m'a intéressé chez le jeune de cette époque. Vous pouvez m'arrêter là aussi. Hein. Donc, la mention du monde, jouir comme un arbre. Hein, il y avait le jouir comme un arbre de l'exemple que j'ai lu tout à l'heure. La forêt qui avance. Shakespeare, l'âge d'or, le pays de la nuit, il y a de la joie, les gestes premiers. Le grand affabulateur. Donc, le grand affabulateur, c'est un chapitre que j'aime bien parce que ça prend un petit peu en compte ce dont on a accusé le Giono de cette époque, c'est d'être un affabulateur, d'être un menteur, d'être un raconteur d'histoire, évidemment, c'est un romancier. Mais certaines des personnes qui l'ont critiqué à cette époque ont dit en gros que Giono. C'est bien gentil tes histoires merveilleuses, ton monde naturel, mais tu veux nous détourner. C'est notamment un écrivain qui s'appelle Georges Hiverneau qui a écrit une très belle lettre, il dit ça en gros, en 1938. Il dit en gros, tu veux nous détourner, nous gens de la ville, nous gens de peu, ouvriers, etc., tu veux nous détourner de la lutte, de la transformation du monde, en nous racontant tes fadaises du monde naturel, de village ancien, de la forge et du four à pain. Et alors moi, ça me fait réfléchir, bien sûr. On est pris là-dedans, évidemment, hein, dans cette critique-là, quand on a l'ambition d'écrire et quand on aime la littérature, on a cette On peut être taxé de vouloir faire un pas de côté, de vouloir se mettre à l'écart du monde, de vouloir s'enfermer dans sa chambre pour écrire et de laisser les hommes se démerder avec leurs histoires. Quoi. Même si Giono, à cette époque, se mêle finalement de la vie sociale de son époque. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Et moi qui m'importe toujours, hein, même si aujourd'hui j'ai vraiment plus l'ambition d'être quelqu'un qui raconte des histoires que quelqu'un finalement qui participe vraiment à la lutte contre l'organisation de ce monde. Voilà. Même si ça m'importe toujours, bien évidemment. Et donc voilà, c'est aussi le questionnement que je pose dans ce livre L'expérience Genou, hein. Cette espèce d'aller-retour entre l'écriture et puis la vie hors de la littérature, quoi, d'une certaine manière. Alors, pour finir, parce que je ne vais pas non plus raconter tout le livre et puis pour prendre trop votre temps. La deuxième partie du livre donc, s'intéresse à cette expérience communautaire du Contadour dont j'ai parlé tout à l'heure. Giono y participe donc dès le début. Hein, ça s'organise de cette manière. En 1935, des gens ont écrit à Giono, ont voulu le rencontrer. Ça s'appelait Que ma joie demeure. Et donc, ils les invitent à venir le voir à Manosque et ils organisent ensemble une balade au-dessus dans la montagne. Et puis la balade est tellement enthousiasmante, la rencontre est tellement forte, qu'ils décident de continuer ce temps-là en achetant une maison. Pas grand-chose, ils sont assez nombreux, ils achètent cette maison et pour pouvoir ensuite se voir plus régulièrement, avoir une vie en communauté, une expérience de vie en communauté. Donc là, ça s'organise assez rapidement, les gens se voient... très vite et très rapidement aussi envie d'écrire ensemble aussi. Parce que ça, il y a une bonne partie des gens qui participent à cette expérience du Contadour qui sont soit des intellectuels, soit des écrivains, soit des artistes, même s'il y a aussi quelques paysans, même s'il y a aussi des gens qui viennent aussi peut-être du monde ouvrier, mais il y a quand même, et dès le début, hein, certains des participants disent il faudrait ouvrir davantage cette expérience aux ouvriers, il faudrait ouvrir davantage cette expérience à des gens qui ne sont pas de notre monde. Et puis ça, voilà, ça ne réussira jamais vraiment à s'ouvrir comme ils aimeraient, mais voilà. Et donc, Giono y participe, son ami Lucien Jacques, dont on a reproduit, dont l'éditeur a reproduit trois des gravures, notamment la gravure à la chouette, là, que j'aime bien, une gravure à la chouette. Donc, ce monsieur Lucien Jacques, d'autres gens participent à cette. Alfred Composé, qui écrira ensuite un fort beau livre de témoignages sur cette expérience-là, participe à cette expérience. Ça va durer un certain nombre d'années, jusqu'à la déclaration de la guerre, en 1939. Et ça s'organise de différentes manières. C'est essentiellement, quand même, des discussions. Essentiellement aussi, puisque. On commence à parler beaucoup de la guerre déjà à cette époque, essentiellement des gens qui sont autour du pacifisme, Giono bien sûr, et d'autres, plus jeunes ou moins jeunes, qui viennent, et on parle beaucoup de ça. Comment résister à la guerre, comment résister à l'enrôlement s'il y a une guerre, comment ne pas aller à la guerre, etc. Donc tout le monde réfléchit, tout le monde écrit, Giono écrit plusieurs textes, très important à l'époque sur cette thématique-là. Et donc, cette expérience du Contadour, c'est aussi une expérience politique importante. Hein. C'est des gens, la plupart des gens qui participent, c'est des gens qui viennent du Front Populaire, qui viennent des organisations de jeunesse, qui sont autour d'un certain syndicalisme, parfois qui viennent du PC, mais qui en sont sortis. Voilà. Donc, c'est tout. Parfois, ça peut être des libertaires aussi. Donc, il y a une espèce d'ébullition qui se produit dans ce lieu. On en parle beaucoup, hein, aussi bien dans la presse, on va dire, militante de l'époque, que dans les journaux, je ne sais pas comment on peut les appeler, bourgeois, ou on dirait mainstream aujourd'hui. Ouais. Mais j'aime pas trop mainstream, on va dire. Les journaux à grand tirage, on va dire. Et... donc il y a plein de gens qui viennent voir qu'est-ce qui se passe, il y a des journalistes, il y a des visiteurs, il y a des gens qui y participent vraiment, et ça prend, et Giono est lui aussi touché par tous ces gens qui viennent, il y participe à sa manière, c'est-à-dire en faisant beaucoup de, de racontant beaucoup d'histoires. C'est toujours le grand affabulateur, et moi, c'est ça qui me plaît chez lui, c'est qu'il vient et il raconte ses histoires. Et il y a une photo assez étonnante, si on n'a pas pu la reproduire dans le livre, parce qu'elle était trop sombre, une photo qui est dans un des numéros des Cahiers du Comptadour, où on voit des jeunes gens assis devant un feu, devant une cheminée, et feu, et tous tournés vers Giono, qui est assis dans un coin de la photo, en train de fumer sa pipe et de raconter une histoire. Et les gens qui sont là à l'écouter. Et j'imagine bien ce que ça peut être qu'un bon raconteur d'histoire. Parce que c'était, d'après les témoignages, c'était un bon conteur, vraiment. Même peut-être même un conteur extraordinaire. Donc, non seulement il y a évidemment cet écrivain, mais il y a aussi ce conteur. Et cette histoire du Comptadour, d'une certaine manière, c'est un roman de Giono de plus, c'est un conte de Giono, c'est un poème de Giono. Et ce qu'écrit Giono sur le Comptadour, qu'on retrouve dans les premiers numéros des cahiers du Comptadour, c'est ça. Pour lui, le Comptadour, c'est un bateau. Les montagnes autour, c'est une mer. Donc tout ça, toute cette métaphore-là, elle est extraordinaire, elle me bouleverse aussi. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, au moment du Comptadour, il traduit Moby Dick. Hein, c'est le premier traducteur de Moby Dick avec Lucien Jacques. Et Johan, j'ai oublié la troisième personne, sont trois à traduire Moby Dick. Donc on peut imaginer Giono et Jacques, Lucien Jacques qui se voient dans le vent du Comptadour et qui discutent ou qui se passent des extraits de Moby Dick, voilà, pour avancer dans la traduction du roman de Melville. Et le roman sera prépublié dans les cahiers du Comptadour. Hein, tout Moby Dick donc sera publié pour la première fois en France. Dans les cahiers du Comptadour. Avant de devenir un livre, l'intégrale de Moby Dick sera publiée dans plusieurs numéros des cahiers du Comptadour. Donc c'est assez étonnant. Hein. Et d'ailleurs, si vous lisez le Moby Dick traduit par Giono, moi je me dis, il y a certains passages, en tout cas au début, on dirait Giono. Quoi. Moi, je veux dire, il tire même parfois Melville, je pense, de son côté, ce coquin-là. Et bon, voilà. Bon, on va pas en parler plus, mais c'est vrai que c'est intéressant de lire aussi cette langue-là, cette traduction-là, par Giono. Alors pour terminer, parce que ça fait déjà un certain temps que je parle, ensuite elle pourra peut-être dialoguer si vous en avez envie, j'aimerais terminer par la fin du livre, comme un genre d'épilogue. Toi aussi tu spoil. Ouais, mais là ça va, ça se termine bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ça va. Et ça s'appelle... Dans le fouettement furieux des ailes d'ange, et ce fouettement furieux des ailes d'ange, c'est en fait un fragment d'un roman, ça devait être un roman de Giono qui n'a jamais rien donné, mais ce fragment a été conservé par Pierre Magnan, dans son livre de témoignages pour CLB Giono. J'ai trouvé ça fort beau, donc je l'ai mis en titre d'épilogue, enfin un épilogue ou la fin du livre. Donc là, je vais vous lire l'intégralité, ces deux pages. Hein. Comme dans Regain, tout au début du livre, lorsque le vent du printemps arrive enfin, le vent du printemps, c'est à partir de là que tout commence ou que tout recommence. C'est le vent chèvre qui va les conduire à se rencontrer Panturle, l'homme arbre, et Arsule, la femme aux grands yeux de pâquerette. C'est le vent qui provoque, qui attise le désir et qui les envoie l'un contre l'autre. Je cite, « Le vent qui entre dans son corsage comme chez lui, il lui coule entre les seins, il lui descend sur le ventre comme une main, il lui coule entre les cuisses, il lui baigne toutes les cuisses, il la rafraîchit comme un bain. Elle a les reins et les hanches mouillées de vent. Elle le sent sur elle, frais, oui, mais tiède aussi et comme plein de fleurs, et tout en chatouille, comme si on la fouettait avec des poignées de foin. Giono, le vent du printemps. J'y suis enfin retourné. Il pleuvait déjà depuis plusieurs jours, et lorsque nous sommes arrivés, les Cévennes ruisselaient. Oui, les arbres, les herbes, s'est égorgé d'eau, et les collines émergeaient de cette brume, luisante d'un vert phosphorescent. Le lendemain, nous sommes allés voir la rivière, elle bouillonnait d'une eau neuve et trouble. J'avais hissé Azad sur mes épaules, il n'était pas bien lourd encore, et même si le soleil était revenu, il peinait à percer le tunnel mouvant des arbres. Je longeais la rivière, marchant sur le béal, enfermant un ruisseau qui m'apparaissait par endroits, sous de grands trous que j'enjambais avec précaution. L'eau coulait partout, sur les côtés, au-dessus de nous, en dessous. L'enfant semblait impressionné par le vacarme des eaux et tous ces grands arbres agitant leurs branches au-dessus de nos têtes l'effrayaient peut-être un peu. Je le sentais s'agripper plus fort à mes cheveux. Mais il restait silencieux. Moi, je ne pouvais m'empêcher de discourir, comparant ce paysage à celui que nous avions l'habitude de voir quotidiennement en ville, lui vantant les mérites de la campagne. Une fois arrivé devant la cascade, nous l'avons contemplé se jeter avec violence dans le grand trou d'eau, projetant jusqu'à nous des myriades de gouttelettes. Tout était neuf, les feuilles des arbres, l'eau, l'air. Puis nous sommes repartis, lui toujours agrippé à mes cheveux, glissant lentement dans le sommeil. Je l'ai alors pris contre moi et sa respiration régulière a rythmé ma marche jusqu'à la maison. Giono, le vent du printemps, tu m'as accompagné tout au long de cette solitude hivernale et encore avec les premières fleurs. Giono, le vent du printemps, la fraîcheur et la pluie, les bourrasques emportant un déluge de fleurs blanches, l'heure du soir et le petit matin. Giono, le vent du printemps, le grand espace tout ouvert autour de moi, l'oiseau à la gorge jaune et les premiers myosotis. Les premières fleurs et ces chants d'oiseaux très tôt le matin, alors que je ne dormais pas depuis longtemps déjà, mais lorsque je les entendais chanter, je savais qu'une nouvelle journée commençait. Giono, le vent du printemps, les mots dans les livres, comme une chaîne faite de mains qui viendrait prendre aussi la mienne. Les livres comme des amulettes, les tiens, Giono, que ma joie demeure et quelques autres, qui m'ont gardé comme des chiens à la fourrure douce et épaisse. Giono, le vent du printemps, tu es arrivé la nuit comme Bobby, et je suis sorti labourer sous les étoiles. Giono, le vent du printemps, tu m'as accompagné en Arménie, et tu étais assis à côté de moi dans ce bar de la place de l'Indépendance à Erevan, lorsque j'ai respiré pour la première fois de tout mon être l'air de cette ville et de ce pays. Lorsque j'ai vu soudain où j'étais et que j'ai regardé autour de moi. Giono, le vent du printemps, tu as posé ta main sur mon épaule à l'entrée de cette grande halle d'Erevan, juste en face de la mosquée bleue, oui, et tu m'as laissé là pour aller seul vers ma joie. Giono, le vent du printemps, et je l'ai soudain vu, c'était au mois d'avril, les arbres étaient blancs de fleurs en Arménie, ses yeux étaient très noirs, et je n'en suis pas revenu. Fin. Bonjour. Eh bien, merci Jean-Luc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, ceux qui ne l'ont pas encore lu. Il faut lire le livre de Jean-Luc. Il y a quelques exemplaires, on a 6 exemplaires là à la vente. Et puis sinon, il se trouve dans toute bonne librairie, peut vous le commander parce qu'il y a un diffuseur. Voilà, donc à vous la parole. Hein. Vas-y. J'ai une question. Vous parlez de son don de conteur. On n'a pas d'enregistrement ? Si. Ah, puisqu'il est mort en 1970. Oui, d'accord. Donc je pense alors, j'ai regardé des interviews. Faire une idée, ouais. Mais je pense qu'on peut trouver. Les entretiens avec Jean et Tao Sabrouche, on les trouve, puisqu'il devait être radiodiffusé. Mmh. Ouais. Donc on trouve. Peut-être même en vidéo. Filmé, peut-être. Il y a des vidéos qui existent aussi de lui sur les années 60. Sur l'INA, on peut trouver. Pardon ? Sur les archives INA. Oui, sur les archives INA, on peut trouver plein de choses sur les archives. Ouais. Oui. C'était pour savoir si vous connaissez les années de la première période et la deuxième. C'est-à-dire que la première dans laquelle il a pris ses idéaux et à quelles années correspond la deuxième dans laquelle il critique. D'accord. Alors, il commence à une deuxième période d'écriture après la guerre, 46, 47, 48, à partir de Un roi sans divertissement. Où, ça je l'explique un peu dans mon bouquin, où il y a plusieurs ruptures qui se font. Il y a une rupture qui se fait dans sa phrase, dans son style. Il décide de rompre sa phrase. C'est assez étonnant pour un écrivain. Et il écrit, si vous lisez des livres de la première période et des livres ensuite de la seconde, j'ai fait juste un petit comparatif dans mon livre, il y a effectivement un changement de style. Il veut simplifier les choses, il veut chasser toute la partie de mystère, d'opacité parfois, qu'il y avait dans cette première partie de son œuvre. C'est étonnant. Et donc, si vous lisez Un roi sans divertissement, Hussard sur le toit, ou d'autres romans de cette période, vous verrez qu'il y a des différences. Enfin, si ça vous intéresse, vous verrez. Hein. Vous pouvez comparer. Il y a aussi autre chose, moi, que j'ai relevé Bon, il y a plein de différences, mais il y a une autre chose qui, moi, me chagrine un peu dans la deuxième partie de Giono, c'est que ces personnages, que ce soit dans Roi ou que ce soit dans Le Hussard, par exemple, ces héros, ces héroïnes, sont désormais, de manière assez classique, stendhalienne, puisqu'ils se réfèrent beaucoup à Stendhal, sont des gens qui sont des nobles. Ceux qui ont une noblesse de sentiment, qui font des actions remarquables, ce sont des nobles, ou des gens, certains milieux. Alors que dans la première partie de son œuvre, ce sont des gens de peu. Tous les gens, tous ces héros, toutes ces héroïnes, tous les gens qui traversent ces romans, ce sont des paysans, des artisans, ou le Bobby, c'est un saltimbanque, hein, qui est un nomade. Jamais n'apparaissent ces personnages de grands, alors que Pauline de Théus ou Angelo dans Le Hussard, ce sont des grands, et c'est les seuls à avoir le sentiment noble. Bon, voilà. Bon, après, j'ai pas lu l'ensemble de sa deuxième partie de son œuvre, mais quand même. Je vois ça comme une des grandes ruptures. Et puis la troisième rupture, ça, il la théorise lui-même, hein, dans ses entretiens notamment, mais pas que, c'est une certaine désaffection pour une certaine désaffection par rapport au monde humain et même au monde naturel, puisqu'il en parle beaucoup moins dans la deuxième partie de son œuvre. Et pour tout dire, il laisse de côté, même si il y a un de ses livres qui s'appelle Le bonheur fou, je crois, dans la deuxième partie de son œuvre, la problématique autour de la joie, il la laisse de côté. Et même, il a une vision beaucoup plus noire de l'humanité. Et ses personnages principaux, ils se confrontent désormais au crime et à la violence et au mal. Et donc c'est intéressant, évidemment, mais c'est une autre. Déjà dans la première période, si vous disiez que moi je meurs, il y a aussi cette violence, la violence là qui intervient, mais pas de la manière dont il l'écrit, il la théorise pour la deuxième partie de son œuvre. Pardon ? Il a arrêté avec le sucre. Ouais, il n'y a plus que du poivre. Il le dit lui-même, hein, il parle du poivre du malheur. Une question, même si ce n'est pas votre spécialité, la deuxième partie, est-ce que ce glissement de milieu social, le fait d'aller vers d'autres types de personnages, est-ce qu'il l'a expliqué ? Est-ce que vous... Non, en tout cas, je n'ai pas lu de... Là, par contre, dans les entretiens, il n'en parle pas. Et est-ce que non, il explique plutôt cette rupture-là, avec cette première partie où il aurait été trop sucré, peut-être, ou trop dans l'enchantement. Ou est-ce que le drame ayant eu lieu avec la guerre, oui, bien sûr, il s'intéresse aux responsables, peut-être. Ah non, mais bien sûr, il y a cette rupture que tout le monde lie à ce passage de la guerre, hein, bien sûr, ce passage de la deuxième guerre. Mais son pacifisme qui n'a pas été compris, en fait, quelque part. Pardon ? Son pacifisme, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui n'a pas été compris, au sens où Giono, c'est plutôt pour lui un refus de lire, en fait, qu'il a acclamé à travers tous ses textes, depuis d'ailleurs qu'il était dans les tranchées en 14-18, puisque ça a commencé là pour lui, hein, et le constat de ce monde, quoi, et ses amis meurent, en fait, ses amis de collège meurent à côté de lui, je crois que son meilleur ami meurt, enfin je ne me rappelle plus très bien. Et après, ben, en effet, il a quand même, je crois qu'il garde cette chose-là, c'est-à-dire ce refus d'obéir à l'ordre du monde tel qu'il est. En effet, il y a un renversement avec la deuxième période de part de la guerre, mais je crois qu'il explique un peu que lui, il a été tellement déçu, enfin, oui, c'est ça, tellement déçu, quoi. Non, mais oui, voilà. C'est-à-dire que, et puis même son pacifisme n'a pas été compris. Il a été emprisonné, d'ailleurs. Deux courtes périodes, ouais. Avant et après la guerre. Très rapidement, d'ailleurs. Bon, ça n'a pas duré, bien sûr. Voilà, donc... Oui, bien sûr. Et même son ambition littéraire, elle change. Dans la première partie, moi, celle qui m'intéresse vraiment, c'est aussi cette idée d'être en résonance avec son époque, quoi. Et il y arrive. Et dans les années de 36, 37, 38, là, ses romans connaissent une grande notoriété. Il est lu par la jeunesse de l'époque, par les moins jeunes aussi. Et alors qu'il ne vit pas à Paris, hein, il vit à Manosque toujours, il n'a jamais bougé de Manosque. Et voilà, donc c'est. Et il est en résonance, il parle, ce qu'il dit, ça fait écho à plein de gens, des jeunes gens qui veulent déjà à l'époque partir de la ville, aller vivre à la campagne, se détacher de une certaine folie déjà du monde moderne. Et ça fait écho. Et aujourd'hui, moi, c'est pas le hussard qui fait écho en moi, c'est vraiment cette vision-là qu'il a à cette époque et qui, pour moi, résonne complètement actuellement, quoi. Mmh. Hein, cette idée de partir de la ville. Et puis les animaux au même niveau que les plantes, etc. Là, aujourd'hui, c'est repris par des grands... Exactement, on retrouve ça chez Baptiste Morisot, des gens comme ça, bien sûr, bien sûr. Exactement. Et il y a cette idée que le monde naturel, on va aussi le questionner, le prendre en compte. Bien sûr. Oui. Moi, ce qui me fascine, je reviens à Que ma joie demeure. Ce qui me fascine dans ce roman, c'est cette métamorphose progressive des paysans. En fait, ils sont à milieu de l'univers de Giono. Ils ne sont pas du tout habités par cette langue de Giono. Celui qui est habité par cette langue, c'est Bobby. Mm-hmm. Bobby arrive en pleine nuit, dans un paysage qu'il ignore, tout comme, vous vous rappelez, dans Germinal, quand Lantier arrive, il arrive lui aussi, c'est la nuit, dans un paysage dont il ignore tout. Mm-hmm. Et en fait, il va être le révélateur. C'est la même chose dans le roman de Giono. Mm-hmm. Bobby va révéler ce qu'un Jourdan porte en lui. Oui. Et quand Jourdan sort de chez lui au début du roman, c'est 3h du matin, mm-hmm. il a décidé qu'il allait creuser le sillon dans son champ. Il va labourer sous la lune. Appeler, littéralement ouais. appeler. Et effectivement, Bobby arrive à ce moment-là. Ouais. Ce que moi j'ai trouvé fascinant, c'est de voir que ces paysans, pour qui un champ est une promesse de gain, c'est une promesse de récolte. Et ça permettra ainsi de vivre, mais ça permettra aussi de vendre et d'entasser de l'argent. Ce champ, ça va devenir toute autre chose en ce moment. Mm-hmm. Ça va devenir un champ de fleurs. Oui. Ça va être un champ de beauté. Et en fait, Bobby les fait accéder à cette dimension qu'il n'avait pas au départ, qui est celle de la beauté et de la gratuité. Et c'est à travers cette gratuité... Et de l'inutile, on parle le mot inutile. C'est ça. C'est à travers cette gratuité que cette communauté va se créer sur ce plateau lacrymal. Jusqu'alors, chacun travaillait sur son terrain, sur sa propriété. Et cette métamorphose-là, c'est à travers cette langue de Giono, parce qu'ils vont accéder à cette langue. Ils vont finir par parler comme Bobby. Voilà. Et bien, ça, c'est facile. Et c'est là que la communauté se crée. Oui, c'est ça. Mais alors, pour revenir... Ils accèdent à la joie. Ils accèdent à la joie, mais c'est une joie, évidemment, qui ne dure pas. Temporaire. C'est cette joie, malheureusement, alors l'ambition, c'est qu'elle demeure, mais elle ne demeure pas. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a beaucoup interrogé, j'ai consacré un chapitre à cette ambivalence-là, c'est que dans Que ma joie demeure, il y a cette recherche de la joie, il y a cet aboutissement, d'une certaine manière, dans la communauté, des paysans, sur le plateau de Raymond. Mais c'est défait, cette joie et cette communauté se défait à cause de l'amour. Ouais. C'est super intéressant. C'est-à-dire que Giono, il questionne l'amour et le désir dans ce roman. C'est pas qu'un roman sur le désir communautaire, c'est aussi un roman sur le désir amoureux. Et ce désir amoureux va se heurter, va choquer le désir communautaire et va le détruire d'une certaine manière. Et ça, moi, ce qu'il appelle dans le roman, le noir travail de l'amour. Et moi, ça m'a vachement interrogé, beaucoup intéressé. J'ai voulu questionner aussi ça. Et que ma joie demeure, il y a aussi cette part noire, déjà, qu'on retrouvera de manière beaucoup plus forte après. Mais elle est là, quand même, cette part de noirceur liée à la mort et à ce désir qui vient tout renverser et foutre le bordel, quoi. Désir de possession, c'est ça ? Pardon ? Désir de possession ? Ouais, le désir de possession, et puis l'idée de... Ce qui s'oppose à la communauté, quoi. L'idée d'être... Ouais, la possession, en tout cas, d'être avec quelqu'un et de rester avec lui, et que plus rien d'autre n'existe. Moi, je dirais que par rapport à cette vision de l'amour... Plus fort, c'est vrai. dans ma joie de mer, justement, toute la communauté accède à un autre idéal, comme vous pouvez appeler un idéal anarchiste, mais absolument pas sur ce plan-là. Sur ce plan-là, la camaraderie amoureuse, ça n'existe pas dans ce... Et c'est peut-être là que ça achoppe, et c'est sûrement, c'est pour ça que ça achoppe, parce qu'en fait, ça reste totalement individualiste, mais je veux dire, et extrêmement bourgeois dans leur tête, la manière d'aborder l'amour. Tu veux dire les personnages, oui, les trois personnages. Les trois personnages. Donc en fait, il n'y a pas cette notion d'amoureux qu'on peut retrouver. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ça qui fait capoter, justement, parce qu'en fait, l'évolution, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout. Ouais, peut-être, c'est ça. Donc l'utopie, elle est vécue de manière économique, mais toute la dimension humaine, du rapport humain, là, il n'y a pas eu le passage. Pour moi, si on fait une analyse comme ça. J'entends ce que tu dis, ouais. Voilà. Mais moi j'aime quand même l'idée. Mais j'aime quand même l'idée que le désir vienne foutre la merde. Moi j'aime bien l'idée que dans le désir, ça vienne mettre du désordre. J'aime bien quand même cette idée-là, quoi. Même si ça peut être une vision bourgeoise, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien l'idée que le désir arrive, traverse les personnages et d'une certaine manière mette le désordre, ouais, dans tout ça, quoi. Oui. Moi je sortais de la lecture de la lettre aux paysans. Ouais. Que j'ai trouvé une diatribe extraordinaire de rage et de voilà. Enfin, c'est quelque chose, et je suis tombée sur votre livre juste après. Après avoir lu un article dans le site de À Contre-temps. D'accord. Qui a fait un très bel article sur votre livre. Bon site. Et puis il y avait la lettre à Hivernaud qui était ajoutée et tout ça. C'est là que j'ai trouvé la lettre à Hivernaud, c'est sur un compte. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à acheter votre livre. Merci Frédéric. Et franchement, sur ce que vous avez dit par rapport à. Il n'y a pas que l'émotion, mais on a c'est très fort. Et c'est bon, en tout cas, moi j'ai reçu. L'émotion, la vôtre, c'est le... Enfin, j'ai reçu le journal à travers ce que vous en disiez aussi, quoi. Enfin, je trouvais que... j'ai beaucoup aimé le mélange de votre propre vie à vous, votre expérience personnelle, mêlée à celle de la rencontre avec ce livre. Ouais. Et ça, je trouvais ça... Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché aussi, quoi. Je suis voilà. content que ça ait fonctionné. Parce que c'est vrai qu'il fallait trouver... On a pas mal travaillé avec les éditeurs de la bibliothèque, pour arriver à trouver une harmonie entre la partie d'étude de l'œuvre et ensuite et la partie intime, quoi, du récit intime. Il fallait que ça soit à peu près... Oui. Ça marche bien, quoi. On voit, ça a bien marché. Et tu dois avoir deux types de lecteurs et lectrices, ceux qui ont déjà lu Que ma joie demeure et qui lisent ton bouquin après. Moi, c'était le contraire. J'ai lu ton bouquin, j'étais enthousiasmé. J'ai pris Que ma joie demeure. Alors, il y a des choses... très intéressantes qui rejoignent effectivement, et c'est la décroissance, c'est plein de thèmes qui nous intéressent, et c'est l'éloge de la paresse, de planter juste ce travail quand même. Ouais. Ils travaillent, mais juste qui les intéresse pour se nourrir, ils ne vont pas faire de commerce, les animaux, ils vivent à côté d'eux, enfin, l'arrivée du cerf, c'est génial. Ouais. Par contre, là, tu as parlé d'illumination. Et c'est vrai que moi, le style, je l'ai trouvé un peu illuminé, à tel point que je me suis demandé s'il prenait quelque chose ou quoi. Parce qu'il y a des phrases, c'est de la poésie, hein, bien sûr, mais j'ai eu du mal à rentrer dans son style. Effectivement, les Regain, Colline étaient beaucoup plus simples, Jean le Bleu, les Nouvelles avant, et après, Le Hussard sur le Toit, où c'est vraiment un roman très classique, mais là... Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est ou relu récemment, mais c'est un bouquin assez difficile, quand même. Il y a une part presque d'opacité dans son dans son écriture à cette époque. Pour Le Hussard sur le Toit, c'est peut-être en apparence de forme classique, mais c'est totalement allumé pour moi. Comme je dis. Quand il y a la première image, on dirait un ange déchu. Il est décrit comme quelque chose de doré, une espèce d'entité qui apparaît dans le soleil sur la colline. Et en fait, après, c'est tout son chemin initiatique à travers le monde horrible et toutes les horreurs du monde. On se demande comment il fait pour arriver à traverser tout ça. Moi, pour moi, c'est l'espèce de d'ange déchu. Ah oui, voilà. Et pas avoir cette lecture là. C'est totalement indigne. En plus, moi, le hussard sur le toit, alors je ne sais pas si c'est moi qui le suis. Ah oui, non, mais moi j'aime bien. Bon, mais si tu veux le hussard, j'ai pas retrouvé la même. Mais c'est la même langue. Dimension de Giono que je trouve super intéressante et que. On pourrait percevoir dans la première période. Ah oui, non, bien sûr. Et cette, c'est parce bien. Que c'est pas, c'est complètement fou quoi, le hussard sur le toit. Mais alors sur le hussard, c'est quand même. Quelque chose de mystique. En fait. C'est quand même son roman. Si on peut appeler. Mais c'est une autre dimension de l'être humain pour moi parce que je suis pas mystique. Ouais. Mais il y a une dimension de l'être humain. Et c'est marrant, c'est un peu, par exemple, comme dans Shakespeare, dans le sens que j'ai lu l'été. On a trois niveaux. On a justement le niveau des princes, machin, c'est comme si c'était les êtres supérieurs. Tu as les artisans et tu as les amoureux. Bon, en gros, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté symbolique quoi, dans le fait que peut-être après, oui, on voit des sphères autres, mais je ne sais pas s'il faut les prendre au premier degré. Ah oui. cette manière de présenter le monde. Mais on dirait que c'est comme une autre dimension de l'être humain pour moi. C'est pas à prendre à la lettre. Oui, c'est une interprétation. Hein. Pour rebondir sur ce que vient de dire madame, dans la première façon de Giono, avant la guerre, il y a quelques personnages qui sont, qu'on pourrait qualifier de messianiques. Bobby, c'est une sorte de messie. Et dans la bataille dans la montagne, il s'appelle Saint-Jean d'ailleurs. Ouais. Saint-Jean, c'est une sorte de messie aussi. Oui, c'est quelqu'un qui arrive et qui va sauver les autres. Ouais. Donc cette tendance, elle est déjà présente dans la première, dans la première façon. Mais si, pour revenir à cette histoire de deux façons, évidemment, c'est un peu artificiel de couper une œuvre en deux et, ce qu'écrit un écrivain comme ça en deux, parce que. On retrouve évidemment des choses du premier jeu dans la deuxième partie. Hein. Mais cette illumination, pour reprendre ton terme, que j'avais trouvé dans le premier, je ne l'ai pas retrouvé dans le deuxième. C'est pour ça que je fais cette séparation-là. Après, ce qu'il a pu théoriser, ce qu'il a pu dire, j'entends aussi. Mais c'est plutôt une langue que j'ai pratiqué, que j'ai lu. Et qui m'a bouleversé dans un premier temps, quoi, et non pas dans une deuxième partie, quoi. Où après, c'est pour moi. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Je suis un romancier. Désormais, je suis un romancier. Auparavant, ça pouvait être un prophète. Là, c'est un romancier. Auparavant, il pouvait être un poète aussi. Il dit, je fais plus de poésie. Je suis un romancier. Et c'est un grand romancier. Hein. Mais bon, moi, des grands romanciers, je m'en fous un peu. J'aime la littérature et les romans, mais voilà. Là, ce que j'avais trouvé chez Giono, cette poésie-là, pour moi, c'est un poète. Hein, je ne l'ai pas retrouvé après. Mais bon, on ne va pas en faire non plus des tartines là-dessus. Hein. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans cette première partie de Giono, c'est cette, la manière dont il parle du monde naturel. En fait, dans la première partie, il veut changer le monde. Et dans la seconde, il a renoncé à changer le monde. Peut-être. Je ne sais pas s'il veut vraiment changer le monde. En tout cas, il ne le dit peut-être pas comme ça. Non. Mais il veut se mêler, en tout cas. Il veut se mêler des affaires du monde, à sa manière, par et la après, langue. Il s'en retire, en fait. Et après, peut-être qu'il s'en retire. Il s'en retire, en fait. Il s'en retire pas totalement. Enfin, il ne s'en retire pas totalement. Et puis, il y a quand même un versant plus désespéré du monde, évidemment, avec le roi sans divertissement, qui est magnifique. Voilà. Après, il y aura aussi des échecs. Le roi sans divertissement, il va y avoir ce film sur lequel il comptait. Il était d'ailleurs, il le scénarisait, et puis le film n'a pas marché. Ça lui a fermé aussi cette porte. Qui est une splendeur, ce film, hein, roi sans et divertissement. Je vous engage à le voir. Faut que vous le voyez, c'est très très beau. Hein. Et il est même, pour moi, il est plus intéressant que le roman, quoi. Parce qu'il a resserré l'intrigue, alors que ça va un peu partout. Dans le... Et c'est Giono qui scénarise, hein, qui est. Oui, je sais, c'est d'autant plus beau. C'est magnifique. Ouais. Je voudrais savoir ce que c'est les ferments de la fin de cette expérience dans le Pontalour. Est-ce que c'est des choses qui sont décrites dans Ma joie demeure, à savoir ces désirs qui font des ordres, ou bien c'est l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale qui finalement est utilisée comme un prétexte pour que chacun reparte et chacune reparte de son côté. Oh non, moi je pensais vraiment la guerre. Hein. C'est la dernière rencontre, elle a lieu au moment, elle se clôt, au moment où il y a la fin de ce clôt, elle s'arrête, puis il y a la mobilisation générale. Quoi. Mm-hmm. Donc, moi je pense pas que ce soit un prétexte, hein. C'est vraiment, ça arrive et ça brise tout. Quoi. De toute façon, c'est plus possible. Quoi. Mais peut-être qu'il y avait, alors tu as peut-être raison, peut-être qu'auparavant il y avait déjà des bisbilles entre eux, ou peut-être que c'est pas facile d'avoir une expérience communautaire sur un long terme. On sait tous quelque chose, hein. Mais là, là, c'est vraiment la guerre, ouais. C'est le contexte historique. En tout cas, c'est comme ça qu'ils en parlent. Hein. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont passées par le Cantalour, à peu près? En tout cas, qui venaient régulièrement aux sessions, c'était peut-être 40-50 personnes, quand même. Mais après, beaucoup, beaucoup de gens sont passés, sont restés quelques jours, sont repartis, quoi. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés voir, voir ce qui se passait, quand même, sur ce plateau du Cantalour. Hein. Moi, je suis allé faire un tour, j'essaie de retrouver les maisons du Comtadour, je n'ai pas trouvé. Il y a un copain libraire qui habite à Fort-Calquier, qui m'a amené par là-bas, mais je n'ai pas réussi. Par contre, j'ai fait une balade, j'ai imaginé le paysage que foulaient les Comtadouriens en se baladant par là-bas. Assez rocailleux, avec de la lavande. Oui. Il y a quand même un truc qui me... Alors, autant que quelqu'un soit complètement dépité par la Deuxième Guerre mondiale, ne croit plus en ses idées, etc., je peux carrément comprendre. Mais c'est vrai que comme vous, quand vous disiez qu'au départ, il s'intéressait beaucoup à des paysans, et à leur noblesse de cœur, et puis après, c'était uniquement les nobles montrés comme nobles de cœur, je trouve ça hyper choquant. Mm-hmm. Et je voudrais savoir s'il se serait un peu expliqué là-dessus, par exemple, est-ce que l'extrême pauvreté dans laquelle les gens étaient placés pendant la guerre ont fait que n'importe qui était prêt à faire n'importe quoi, et que peut-être des gens un peu plus aisés, quoi qu'on sait très bien qu'il y a des gens aisés qui ont fait des horreurs, on collaborait. Donc ça, voilà, donc ça ne justifie même pas. Je ne sais pas, ça, j'arrive pas à me l'expliquer par contre. Est-ce que vous avez lu quelque part une explication ou quelque chose qui pourrait permettre de comprendre pourquoi il y a eu ce changement aux classes sociales par rapport aux classes sociales, non, mais les témoignages que j'ai lus, quand il parle de la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien dans son journal intime qu'après, oui, il y a une vision noire de l'homme, tout le monde s'est comporté de manière merdique, ce qu'il a vu autour de lui, ça l'a affecté, visiblement, etc. Quoi. Après, par rapport à la paysannerie, ce qu'il dit, après, c'est de la provocation certainement, il dit, oui, j'ai fait parler des paysans comme des poètes, mais en fait, il s'intéressait surtout au prix de combien ils allaient vendre telle ou telle marchandise. Quoi. Donc, et puis, je ne sais pas si vous avez lu Un serpent d'étoiles, qui est une splendeur. Dans Un serpent d'étoiles, il décrit des bergers poètes, des bergers qui déclament des poèmes homériques, etc. Tout ça, c'est écrit par Giono, mais il imagine donc ces espèces de cérémonies dans la montagne organisées par des bergers. Et après, dans les entretiens avec Jean et Tao Saint-Brouche, il dit, voilà, j'ai écrit ce bouquin pour pouvoir me payer des vacances, ma femme, j'ai écrit ça vite fait, bien fait, et puis des gens y ont cru, tant pis pour eux, quoi. Donc voilà, ça c'est le deuxième Giono qui la provoque. Mais un peu mercantile aussi, je pense, un peu plus quoi. Alors, je sais pas. Mais... Il paraît que le succès. Enfin, moi ce que j'avais lu, c'est que le succès lui était un peu monté à la tête. Peut-être. Mais en tout cas, moi même quand il dit ça, je sais pas, et je trouve ça marrant quoi. Je dis, c'est vraiment drôle de Gugus, mais. Ça le rend d'autant peut-être. Est-ce que tu aimes bien les personnages qui retournent dans veste un peu comme ça. Victor Serge, quand même, il est passé dans plusieurs idéologies. Il n'a jamais vraiment retourné sa veste. Mais, non, ça le fascine un peu. Non, mais en tout cas, Giono, il a pu m'énerver, mais je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant par ce qu'il a mis en œuvre, quoi, par sa littérature. Pour ça, tout peut lui être pardonné. Quoi. Oui, je voudrais souligner que dans la seconde partie, ce n'est pas systématique non plus que les héros soient des gens de la haute. Oui, bien sûr. Par exemple, dans l'Iris de Suse, Tringlot, c'est un bandit, c'est un type qui sort du bagne, il a affaire à des complices qui le poursuivent, enfin, c'est quelqu'un de extraordinaire. Et Ennemonde, ce n'est pas non plus une princesse. Hein. Non, je pensais à ces romans les plus emblématiques, oui, mais tu as raison, bien sûr. Bien sûr. Concernant les reniements des écrivains, je pense à Gilles, que je connais Bien, alors que j'ai jamais lu Giono, je devrais. Pourtant, c'est sur la même étagère. Ouais, mais je suis prof de lettres en plus. Bon, bref, mais je suis passée à côté. Ben, je suis passée à côté, comme ça, j'ai encore des choses à découvrir. Ben oui, nous tous, c'est pour ça qui est bien. Ben oui, et c'est pour ça que je suis là. Et Gilles a renié un peu les nourritures terrestres aussi. Ah, ouais. Voilà. Tu sais que Gilles et Giono ont eu un lien pendant quelques temps, dans les années 30. Gilles est même venu voir Giono. Il est même venu voir Giono à Manosque, etc. Oui, c'est ce que je comptais faire chez moi, rechercher. Mais c'est bien, on a toujours, comme en cuisine, comme en musique, on a toujours des pans qui nous ont échappé. Donc, C'est sûr. D'autres questions, d'autres remarques? D'ailleurs, la joie chez Gide, je ne veux pas dériver, mais la ferveur, une existence catéchique, etc. Je voudrais mourir complètement désespéré pour avoir vécu tout le bonheur possible, quoi. C'est ça, Gide, dans les nourritures terrestres. Hein, donc, la joie, est-ce qu'elle était là à cause des événements dramatiques, qu'elle était une nécessité? Vous voyez, Giono n'est pas le seul. Ah non, bien sûr, bien sûr. De toute façon, il y a cette idée-là qui circule, j'imagine, dans les années 30, autour du Front populaire. Il y a quand même l'idée de... On va arriver à quelque chose de différent, quoi. S'organiser différemment, etc. Bon, ça retombe bien vite. Hein, mais... Et moi, ce que j'aime chez ce Giono-là, c'est sa générosité, quoi. Et cette générosité-là, elle me touche encore, quoi. Dans son écriture, c'est, dans l'écriture, vraiment, cette générosité, elle est sensible dans sa manière d'écrire. Et aussi dans l'idée que, voilà, venez à moi, nous allons partager cette joie, quoi. Le côté christique, évidemment. Hein. Donc, il délire un peu à cette époque. Hein. C'est aussi intéressant. Comment quelqu'un qui connaît une notoriété importante... Qui d'une certaine manière fait résonance avec l'époque, comment ce personnage-là, finalement, ça lui monte à la tête à un moment donné. Il a vraiment l'impression, et il a peut-être qu'il a raison, que sa parole a du poids, que ce qu'il écrit, ça va provoquer des choses, que ça va changer des choses, que sa simple écriture, sa simple parole. Et il en, alors, je verrai dans le livre, mais il en vient même à un projet complètement fou et débile en même temps, c'est d'aller parler avec Hitler. Il y a des gens qui lui disent, je ne me souviens plus c'est de l'histoire, qui lui disent, mais ouais, tu devrais aller pour aller lui dire, mais arrête, quoi, arrête. Et le Giono, pendant un temps, il se dit, je vais aller voir Hitler et je vais le convaincre. Le pouvoir de son verbe, de sa parole. C'est bien ce que je disais. Et puis, heureusement, il abandonne le projet assez rapidement, mais quand même, quoi. Vous imaginez un peu le délire dans lequel il est. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'impression que sa parole a du poids. Prétentieux, quand même. Grisé. Prétentieux. C'est légèrement prétentieux. Outre que prétentieux. Il est grisé complètement par ce qu'il pense pouvoir produire, quoi. Allez voir Adolphe, quoi. Alors, si on va pas s'arrêter là, on peut discuter autour d'un verre.